Comment peux-tu être fier de ton quartier quand t'as des merdes comme ça à côté de chez toi? Sont trop occupés à bâtir des casinos et prendre l'argent du pauvre peuple. Va le dire à la présidence, à tous et aux placés, que leurs vœux, même les meilleurs, sont vraiment les mal placés. Que Malassie, on veut de la place sur leur lit matelassé, qu'on veut en finir avec ces avenirs cadenassés. Une fesse sur le strapantin, l'autre moitié de l'arrière-train dans le vide. J'ai observé le monde, n'y ai rien vu venir, hormis la haine de Marianne et ses soi-disant droits de l'homme. Va leur dire qu'on est ancré dans les hautes herbes et que dans le béton sans racine, que beaucoup de frères sans racine débarquent dans des bleds de racistes. Va leur dire qu'à les entendre, c'est nous la cause des mésententes. Avec nos parcours en dilettante, ils nous parlent comme des bêtes de somme, assommés par le cours des choses. Dis-leur qu'ici les drames sont tels qu'ils mènent à perte les âmes trop faibles, le cœur atrophié. Une chose est sûre, nos joies s'estompent. Et puis au fond, quand on y pense, le bonheur qu'est-ce donc? Pose-toi donc la question, car on est tous concernés. On se doit de se serrer les coudes, pas rester là les bras ballants avec nos mines déconcertées. À s'observer en chien de faïence, on ne fait que se rapprocher du feu. Comment peux-tu vivre ainsi? J'arrive à vivre avec ma conscience, parce qu'à la fin de la journée, je crois que j'ai fait plus de bien que de mal. J'entends la haine qui monte, l'écho de la violence qui sonne, la mort et le sang qui rôdent aux aléas du temps. La vie, une somme d'épreuves et de conjonctures douloureuses. Sois toujours prêt autour de flammes. J'entends la haine qui monte, l'écho de la violence qui sonne, la mort et le sang qui rôdent aux aléas du temps. La vie, une somme d'épreuves et de conjonctures douloureuses. Sois toujours prêt autour de flammes. Fini de prêcher dans le désert, tout le monde s'en fout de tout ça. J'entends la haine qui monte, va leur dire, l'écho de la violence qui sonne, va leur dire, trois une alchimie. Sois toujours prêt autour de flammes.